c'est la bonne taille. C'est le dé. Ça c'est la bonne taille. Doudou. Ça c'est la bonne taille. Salva. Ça c'est la bonne taille. Ben Mende. Ça c'est la bonne taille. Merci. Ça c'est la bonne taille. Merci. Ça c'est la bonne taille. Merci. Ça c'est la bonne taille. Gauche, droite.